terre. Un jour elle sera mienne, un jour elle sera mienne. J'en vois pas d'autres comme elle, j'en vois pas d'autres comme elle. Un jour elle sera mienne, un jour elle sera mienne. J'en vois pas d'autres comme elle, j'en vois pas d'autres comme elle. J'me rappelle d'elle, ça va, son style, c'est fort, tout ça. J'me rappelle d'elle, quand je regarde, j'aime tout chez elle. Un jour elle sera mienne, un jour elle sera mienne. J'en vois pas d'autres comme elle, j'en vois pas d'autres comme elle. Un jour elle sera mienne, un jour elle sera mienne. J'en vois pas d'autres comme elle, j'en vois pas d'autres comme elle. Non, non, je me rappelle que je l'ai vue. J'ai aimé son corps avant ses yeux. Elle est passée devant moi comme une étoile filante. Oh, j'ai fait un vœu. Oh my god, je perds la vue. Le soleil brille, elle aussi. Pas venue seule, mais je ne vois qu'elle. Pas venue seule, mais je ne vois qu'elle. Indépendante elle est, elle dit non non non non non. Elle fait son chemin solo, elle dit non non non non non. J'pourrais faire partie de ta vie, baby. Yes. Dis-moi qu'est-ce qui nous retient. J'me rappelle d'elle, ça va, son style, c'est fort, tout ça. Yeah. J'me rappelle d'elle, quand ça regarde, j'aime tout. Un jour elle sera mienne, un jour elle sera mienne. J'en vois pas d'autres comme elle, j'en vois pas d'autres comme elle. Un jour elle sera mienne, un jour elle sera mienne. J'en vois pas d'autres comme elle, j'en vois pas d'autres comme elle. Oh my god, quand je l'observe, seul Dieu sait ce que je ressens. Et je dirai rien, un sourire, un regard. Élégante elle est, j'ai pas pu profiter. Elle avait déjà disparu. Où est-elle, où est-elle? Dans ma tête, que des flashs. Dites-lui que je l'oublierai jamais. J'me rappelle d'elle, sa voix, son style, c'est fort, tout ça. J'me rappelle d'elle, quand ça regarde, j'aime tout chez elle. Un jour elle sera mienne, un jour elle sera mienne. J'en vois pas d'autres comme elle, j'en vois pas d'autres comme elle. Un jour elle sera mienne, un jour elle sera mienne. J'en vois pas d'autres comme elle, j'en vois pas d'autres comme elle.